الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سندخل اليوم بل سنكمل اليوم هذا الفصل. Aujourd'hui, on va finir ce chapitre, بإذن الله تعالى. Qui était le chapitre de l'adab islamia. Donc, on va prendre certains comportements islamiques, savoir qu'ils sont très nombreux. D'accord. L'auteur a voulu, comme l'explique au début, se concentrer à mettre 20 hadiths dans chaque chapitre. Il aurait pu en mettre 50, il aurait pu en mettre 100. D'accord. Le but n'était pas d'en mettre beaucoup, d'en mettre 20. Donc, il en a mis 20. Mais en réalité, les comportements islamiques, ça prend beaucoup plus que cela. Taïeb. Donc là, on va prendre le 97e hadith du kitab, qui est le 17e de ce fasl. Adab al-Atas, le comportement lors de l'éternuement, lorsque l'on éternue. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقول الحمد لله وليقول له أخوه أو صاحبه يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقول يهديكم الله يصلح بالكم رواه البخاري. Donc là c'est Abu Huraira qui rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit si l'un d'entre vous éternue alors qu'ils disent « Alhamdulillah » et que son frère ou son compagnon lui dise « Yarhamukallah » c'est-à-dire qu'Allah te fasse miséricorde. Et si jamais son frère ou son compagnon lui dit « Yarhamukallah » alors lui, c'est-à-dire celui qui a éternué, lui dise « Yahdikumullah wa yuslihu ba'alakum » que Allah vous guide et qu'il vous réforme votre situation. On appelle ça Tashmit. D'accord, ça s'appelle Tashmit. Le fait de répondre à celui qui nous a loué Allah, ou plutôt celui qui a loué Allah après avoir éternué, qu'on lui réponde par un dua, qu'Allah lui fasse miséricorde. Savoir une chose, que l'éternuement, c'est une rahma d'Allah Azawajal, un bienfait pour l'être humain, par lequel ça lui permet d'évacuer des choses internes à son corps. Et sachez, mes belles faïda, pour ceux qui ne savent pas, que la première chose que Adam alayhi salam a faite après que Allah lui a insufflé le souffle de vie, ça a été d'éternuer. Ça a été d'éternuer. Et vous savez bien, l'éternuement, c'est un petit côté agréable. D'accord ? À part des fois quand on est malade, je vous l'accorde, allergie ou rhume ou ce qui s'ensuit, et qu'on éternue je ne sais pas combien de fois de suite, là oui. Mais des fois, un éternuement, quand il vient comme ça, je pense que tout le monde ressent cette même sensation. Il y a un petit côté agréable derrière. Et c'est une rahma d'Allah Azawajal. Alors au début, ou plutôt au début, dans le livre auparavant, on avait pris également dans le comportement de l'ordre de l'éternuement, c'est de ne pas lever sa voix. Lorsque tu éternues, ce n'est pas que tu fais des grands bruits. Également, tu mets ta main devant ta bouche. Ou alors avec un mouchoir ou autre. Pourquoi ? Pour éviter que ne sortent des choses qui puissent atteindre les gens, des germes, ou ce qui s'ensuit. Alors, vous savez, quand on éternue, des fois, il y a des choses qui sortent. C'est humain, ça arrive. Donc, on met sa main devant sa bouche. D'accord ? Si on a une imama, on met la imama. Si on a un mouchoir, on met le mouchoir. On met ce qu'on veut, mais on se protège. Enfin, du moins, on protège les autres de ce qui pourrait émaner de nous lors de l'éternuement. Et on évite d'éternuer en levant trop la voix. Mais il ne faut pas retenir l'éternuement. L'éternuement, il faut le sortir. On ne se retient pas l'éternuer. On laisse sortir l'éternuement. Et là, ce qui nous concerne dans ce hadith, c'est lorsqu'on éternue, on loue Allah Azawajal. Donc celui qui éternue, il dit « Alhamdulillah ». Et à partir du moment où celui qui éternue, il dit « Alhamdulillah », donc il loue Allah pour ce bienfait d'avoir éternué, celui qui est à ses côtés, qui l'entend, doit obligatoirement lui dire « Yalhamdulillah ». Il doit invoquer pour lui la miséricorde d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ça, c'est obligatoire. Quand quelqu'un à côté de vous, un musulman, éternue et qui dit Alhamdulillah, on le dit Yarhamukallah. Et quand c'est une femme, Yarhamukillah. Et lorsque la personne nous dit Yarhamukallah, nous on lui répond quoi ? Yahdikumullahu yuslihu ba'alakum. Que Allah vous guide et vous réforme votre situation. Donc on répond à la personne par un autre dua pour son bien à lui également. Et ça, dans d'autres hadiths expliqués lorsqu'on le fait, lorsqu'on éternue trois fois d'affilée, la troisième fois on dit Shafaak Allah, c'est qu'on est malade. D'accord ? On dit Shafaak Allah, c'est qu'on est malade. Sans quoi, si la personne éternue une fois, on le dit cela. Si elle éternue deux fois, on le dit cela. La troisième fois, Shafaak Allah. Maintenant, cela n'est propre qu'à celui qui loue Allah. Car dans un hadith, أن النبي صلى الله عليه وسلم عطس عند رجل عنده رجلان فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر فقال الذي لم يشمته عفوا عطس فلان فشمته وعطست أنا فلم تشمتني قال إن هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله متفق عليه. Donc il y avait auprès du Nabi صلى الله عليه وسلم deux hommes. Deux hommes. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, deux hommes ont éternué. L'un d'entre eux a dit Alhamdulillah et pas l'autre. Celui qui a dit Alhamdulillah, le prophète lui a fait le tashmit, lui a dit Yalhamakallah. Et le deuxième a dit au prophète, lui il a éternué, tu lui as fait le tashmit, tu lui as dit Yalhamakallah. Et moi, j'ai éternué, tu ne m'as rien dit. Il dit parce que lui, quand il a éternué, il a dit Alhamdulillah. Donc je lui ai dit. Et toi, comme tu n'as rien dit, je ne te l'ai pas dit. D'accord ? Donc on ne dit cela que pour celui qui loue Allah après avoir éternué. Celui qui ne loue pas Allah, on ne dit rien. Même pas on lui dit loue Allah, car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit à l'autre loue Allah, il ne lui a rien dit. D'accord ? Il ne lui a rien dit. Donc là, c'est le comportement à avoir pour celui qui agit de la sorte. Yaqul fawaid al-hadith. مشروعية قول الحمد لله عند العطس. Donc il est légiféré de dire Alhamdulillah lors de l'éternuement. طيب. Ensuite il dit أن العطس من نعم الله عز وجل ولهذا شرع الحمد عليه. Que l'éternuement est un bienfait d'Allah عز وجل. Voilà pourquoi il est légiféré de louer Allah pour avoir éternué. ثالثا وجوب تشميت العاطس على ما سمعه على من سمعه إذا حمد الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث. Et qu'il est obligatoire justement de celui qui a éternué et qui a loué Allah de lui faire cette dua. C'est obligatoire car dans le hadith c'est venu sous forme impérative. رابعا أن التشميت إنما يشرع لمن عطس وحمد الله ببينة قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. Et le tashmit, on ne le fait que pour celui qui a loué Allah après avoir éternué. Comme dans le hadith est venu, qu'il a dit le Nabi صلى الله عليه وسلم, si l'un d'entre vous éternue et qu'il loue Allah, alors faites-lui le tashmit. Et celui qui ne loue pas Allah, ne lui faites pas. Selon Abu Musa al-Ash'ari. خامسا أن العاطس يجيب على من شمته بقول يجيب عفوا على من شمته بقول يهديكم الله يصلح بالكم. Et celui qui nous a fait le dua de miséricorde, alors nous on lui répond par le dua de guider et de réforme de sa situation. يهديكم الله يصلح بالكم. سادسا أن غير المسلم لا يشمت لقوله صلى الله عليه وسلم أحدكم وليقول له أخوه. Et cela n'est valable qu'entre musulmans. D'accord ? Parce qu'il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, si l'un d'entre vous, c'est-à-dire l'un d'entre vous musulmans, éternue, alors que son frère ou son compagnon, et là quand on dit son frère en islam. Et vous savez très bien que les koufars, ils louent pas Allah quand ils éternuent. Ils disent quoi ? À vos souhaits. Ils disent à vos souhaits. Et ça, à vos souhaits, je pense qu'il y a derrière une croyance shirkiya. Alors aujourd'hui, c'est une formule comme ça qui se dit sans vraiment de conviction. D'accord ? C'est une formule de politesse pour eux. Mais en réalité, quand on dit à vos souhaits, c'est quoi ? C'est qu'il y a une croyance derrière d'invocation et de réponse à une éventuelle demande. Donc il faudrait regarder, chercher les origines de cette formule, mais c'est sûr qu'elle a une origine yani, polythéiste, sans l'ombre d'un doute. Donc on ne dit pas à vos souhaits. D'accord ? Ça, c'est un truc que les koufars le disent, nous on ne dit pas ça. Nous on dit Alhamdulillah. Puis on dit, comme le hadith nous l'enseigne. Naam. Taïb. Ensuite, le 98e hadith, qui est le 18e de ce chapitre. Qal adab at-tafa'ub, le comportement lors du bâillement, lorsque l'on bâille. An Abi Sa'id al-Khudri رضي الله عنه قال يقرا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليمسك يده على فيه فإن الشيطان يدخله رواه مسلم. Donc selon Abu Sa'id al-Khudri, le Nabi صلى الله عليه وسلم il a dit que si l'un d'entre vous se met à bâiller, alors qu'il mette sa main devant sa bouche, car Shaytan peut rentrer. Rapporté par Muslim. Alors le bâillement, c'est une chose qui est humaine, mais c'est une chose qui provient de Shaytan. D'ailleurs, dans une version, c'est venu, ils étaient fa ahaba ahadukum faqala yani ah dahika alayhi Shaytan. Lorsque tu bailles et que tu fais du bruit, des fois il y a des gens qui baillent, ils font un bruit, voilà, ça fait rire Shaytan. Donc quand on rit, quand on baille, déjà on fait pas de bruit. Dans une version du hadith, le bâillement faut le repousser autant que possible également. C'est-à-dire quand tu sens que tu vas bâiller, c'est pas comme l'éternuement. L'éternuement, on le laisse sortir. Le bâillement, faut le retenir autant que possible, car le bâillement, ça vient de Shaytan. Donc faut le repousser. Maintenant, si vraiment le bâillement, il sort, alors à ce moment-là, on met la main devant la bouche. Non pas par politesse comme le font les koufars, parce qu'ils disent que tu bailles, on ne peut pas voir ta grande bouche ouverte. Non, c'est pas ça le but. C'est que nous, on met la main devant la bouche parce que c'est une cause par laquelle Shaytan peut entrer en nous. Et ça, beaucoup de gens l'ignorent. Car à la fois, Shaytan peut entrer en nous par différentes situations, et entre autres par le bâillement. C'est pour cela que Shaytan, il aime le bâillement. Et que le bâillement, ce n'est pas une chose qui soit bonne en soi. D'accord ? Le bâillement, c'est un signe de fatigue, c'est un signe de paresse, et plein de choses. Et souvent, les gens, vous allez voir, regardez bien, plus on sera concentré pour l'adoration, plus on sera amené à bâiller. Combien d'entre nous, on prend le mushaf pour lire le Coran, d'un seul coup, on a la somnolence qui vient. On baille. Dans un ders, on baille. D'accord ? Dans la khutbah de Jumu'ah, on baille. Pourquoi ? C'est Shaitan qui veut nous faire oublier le zikr que l'on entend. Demain, on entend une chose stupide qui n'a aucun rapport, on sera très concentré. Dès que c'est une chose qui est relative à la religion, tout de suite, ça vient. Shaitan, il vient tout de suite. D'ailleurs, dans le Coran, on dit « Fizikarata al-Qur'an fasta'iz billahi minash shaitanir rajim ». C'est pour cela que lorsqu'on va lire le Coran, dans le Coran, Allah dit qu'on doit rechercher refuge auprès d'Allah contre le shaitan, parce qu'il va venir tout de suite. Dès que tu vas faire un bien, shaitan, il est aux aguets. Il est à l'affût. Donc, nasta'iz billah min ash-shaytan ar-rajim. Donc, le bâillement, c'est une chose. Allah l'a qaddar que l'être humain va bâiller. D'accord ? Mais tant qu'on peut le repousser, qu'on le repousse. Et quand on bâille, on met la main devant la bouche. C'est ça l'essentiel à retenir de ce hadith, c'est un comportement à avoir lors du bâillement. Et également ne pas lever la voix. D'accord ? Ne pas lever la voix lorsque l'on bâille. Yaqul fawaid al-hadith. Istihbab wad al-kaf ala al-fam 'inda at-tafa'ub, qu'il est recommandé de mettre sa main devant la bouche lorsque l'on bâille. Thaniyan annahu la farqa fi hadha al-amr bayna al-musalli aw ghayrihi bal yata'akkad fi hal as-salat. Et qu'il n'y a pas de différence dans le fait de mettre la main devant la bouche lorsque l'on baille pour celui qui est en salat ou celui qui n'est pas en salat. C'est pareil, même dans la salat, tu sens que tu vas bailler, tu mets ta main devant ta bouche. Et voire même, il dit que c'est encore plus fort, on doit encore plus le faire lorsque l'on est en salat. Car c'est le moment où Shaytan va encore plus essayer de te perturber. Thalithan, an al-yad innama tata'ayyan iza lam يرتد تثاؤب بدونها فإن قدر على أن يقذم ما استطاع فعل. Et donc la main, on ne la met qu'à celui qui n'arrive pas à repousser le bâillement. Mais quelqu'un qui arrive à repousser le bâillement de lui-même, alors il n'a pas à mettre sa main. Parce que je l'explique au début, le bâillement, on doit le repousser autant que possible. رابعا من الآداب أن يجتنب المتثائب قول ها فإن الشيطان يضحك منه. Comme on l'a dit tout à l'heure, que celui qui bâille, qu'il évite de faire du bruit en bâillant, car Shaytan rigole de lui. Et ça, c'est un hadith rapporté par Abu Huraira, hein, selon Al-Bukhari, selon Abu Huraira, par Al-Bukhari. Donc le bâillement, on a compris comment tenter d'y faire face au mieux. Bien que c'est inévitable, le bâillement, on bâille. quand on est amené à bailler. Mais quoi qu'il en soit, même en baillant, on a un comportement islamique à avoir. Et justement, dans le hadith qui suit, qui est le 99 de ce chapitre, 19e de ce Afwan, 99e de ce Kitab, et ce qui annonce que, alhamdoulilah, on arrive à la moitié du livre, et qui est le 19e de ce chapitre, c'est Adab al-Naum, le comportement avant de dormir. Parce que souvent, le bâillement, c'est un indicateur de fatigue et de sommeil. Donc là, on va prendre un adab du Naum. Et en réalité, c'est un adab et aussi un dua, un zikr à faire avant le sommeil, avant de dormir. On l'a déjà pris dans les chapitres précédents, parmi les chapitres des afkar et des doas à faire avant de dormir. Et là, c'est l'un d'entre eux également. Yaqul an al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu qal qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam idha atayta madja'ak fatawadda wudu'aka lis-salat thumma ittaji' ala shaqqik al-ayman thumma qul allahumma aslamtu nafsi ilayk wa wajjahtu wajhi ilayk wa fawwadtu amri ilayk wa alja'tu dhahri ilayk rahbatan wa rahbatan ilayk la malja'a wa la manja'a minka illa ilayk آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإنك إن مت في ليلتك مت على فطرة وإن أصبحت أصبحت أجرا واجعلهن آخر ما تتكلم به متفق عليه. Donc il dit, le Nabi صلى الله عليه وسلم, selon le Bara ibn Azib, il a dit, si jamais tu vas te coucher, d'accord, tu vas te coucher, et là le muttajak, c'est se coucher pour aller dormir. Maintenant, ça ne précise pas... Et ça, c'est le sommeil de nuit. Ce n'est pas la sieste, comme le précise la fin du hadith. D'accord ? C'est le sommeil de nuit. Donc, il a dit, avant de dormir, va faire tes ablutions comme tu les fais pour la salat. Donc, il est recommandé de faire les ablutions avant de dormir. Même pour celui qui était en janaba, qui a eu des rapports avec son épouse, ou pareil pour la femme, le ghusl n'est pas obligatoire. On peut dormir en étant en état janaba. Mais ce qui est recommandé, c'est de faire les ablutions malgré tout. C'est recommandé. Et celui qui sera amené à faire son ghusl janaba, dans le ghusl, il y a le wudu. Donc ça va regrouper les deux ensemble. Donc on fait le wudu avant de dormir. Il a dit ensuite, allonge-toi sur le côté droit de ton corps. Puis tu dis, oh Allah, j'ai soumis mon âme à toi. J'ai tourné mon visage vers toi. C'est-à-dire, mon intention, t'es totalement dévoué. Et je te confie toute mon affaire. Et je cherche refuge auprès de toi, par convoitise de ta récompense et par crainte de ton châtiment. Et il n'y a aucun échappatoire de ce que l'on pourrait subir de toi, si ce n'est auprès de toi. J'ai cru en ton livre que tu as fait descendre et en ton prophète que tu as envoyé. C'est ça le dua, le zikr que l'on fait. Après, il dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, car si jamais tu es amené à mourir lors de cette nuit, tu mourras sur la fitra, c'est-à-dire la nature saine. Et si jamais tu te réveilles, et là il parle du matin, donc ce qui prouve que ce dua-là, ce zikr-là, on le fait la nuit avant de dormir, tu te réveilleras au matin sur la récompense. Et il dit, fais en sorte qu'elles soient les dernières paroles que tu prononces avant de dormir. Ce zikr-là à faire. Donc c'est un zikr azim. Dans lequel, en premier lieu, pourquoi on se couche sur le côté? Donc déjà les ablutions, c'est pourquoi les ablutions? C'est pour être en état de... On va pas dire de purification, parce que si on est en janaba, on ne sera pas en purification totale. Mais ça reste toujours une purification. Et on se couche sur le côté droit. Car sur le côté droit, les ulama disent que ça évite d'appuyer sur le cœur et d'être plus à même de se réveiller. Le sommeil sera moins lourd pour le corps. Maintenant, c'est recommandé et non pas obligatoire. Et un sommeil qui est fortement réprouvé, qui n'est pas interdit, mais qui est fortement déconseillé, c'est dormir sur le ventre. Il y a un hadith qui est venu où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait un homme dormir sur le ventre et il a dit Hazi nomat ahl al-nar, que c'est la façon de dormir des gens du feu. Dormir sur le ventre. Donc maintenant, ce hadith-là, il a été remis en question. n'est pas authentique. Et quoi qu'il en soit, les médecins disent que dormir sur le ventre n'est pas bon. Ce n'est pas un bon sommeil. En plus, ça amène un sommeil qui est très lourd. Donc la personne, tant qu'elle peut, qu'elle évite de dormir sur le ventre, qu'elle dorme sur le côté droit, si elle ne peut pas, le côté gauche et sur le dos. Et même le ventre, ça évite autant que possible. Ce n'est pas haram, d'accord, mais ce n'est pas une bonne façon de dormir. Donc maintenant, il dit « Allahumma aslamtu nafsi ilayk »« Oh Allah, j'ai soumis mon âme, je te soumets mon âme. » C'est-à-dire que maintenant tu vas dormir, tu sais que tu ne vas plus rien faire et que c'est Allah Azzawajal qui va prendre ton âme. Et s'il veut, te la renvoie au matin, et s'il veut, la garde auprès de lui, ce qui fait que tu peux dormir, que tu peux mourir dans ton sommeil. Car on sait que le sommeil était appelé wafa, sughra, c'est la petite mort. Car lorsque tu dors, tu es comme un mort. Tu n'as aucun contrôle sur ton corps. Il dit wajihtu waji ilayk. Ça veut dire qu'en fait, je te voue toute mon attention. C'est-à-dire avant de dormir, c'est à toi que je pense. C'est vers toi que je reviens. Wafawatu amri ilayk. C'est-à-dire je te confie toute mon affaire. C'est-à-dire c'est le tawakkul. C'est le tawakkul que tu places ta confiance en Allah Azzawajal. Dans tout ce que tu vas entreprendre, tu sais que le résultat n'a comme qu'à lui. Toi, tu ne fais que les causes. Et ça, le tawakkul, c'est se reposer sur Allah Azzawajal avec véracité, tout en faisant les causes. C'est-à-dire que tu n'as aucun résultat garanti. D'accord ? Il se peut que tu prépares une chose à son maximum, sans pour autant que tu n'en trouves le résultat escompté, que toi tu espères. C'est Allah qui t'accorde la chose. D'accord ? Toi, tu fais juste les causes. Et si jamais ce que tu souhaites n'arrive pas, c'est qu'il y avait un bien derrière. Ne dis pas forcément j'ai échoué ou ceci ou cela. Toi, tu as fait les causes. Shari'iyya. Si ça arrive, alhamdulillah, si ça ne vient pas, alhamdulillah, la kouli hal. C'est que ça ne devait pas arriver. Et peut-être qu'Allah t'a protégé d'un grand mal, tu ne le sais pas. Et ensuite, il dit Al-Ja'tu Zahri ilayk. Que je cherche refuge auprès de toi. Rahbatan. Par convoitise de ta récompense. Wa rahbatan ilayk. Et par crainte de ton châtiment. Et ça, c'est une réfutation aux gens qui disent que on adore Allah. On trouve ça chez les soufis qui nous reprochent d'adorer Allah par intérêt. Des gens, ils disent ouais, nous, on n'aime pas Allah pour son paradis, ni par crainte de son feu, mais on aime Allah pour Allah. Ça, c'est un mensonge. C'est une croyance, elle est fausse. Et dans le verset, Allah Azawajal nous dit de le craindre. Et de craindre son châtiment. Hein? Et d'espérer sa récompense. Et c'est ce que les prophètes faisaient. Donc, c'est on aime Allah Azawajal pour Allah, certes, mais également, on aime Allah Azawajal et on espère sa récompense, on espère son pardon. Et on craint Allah, et on craint son châtiment, on craint son feu, on craint sa colère, et ce qui s'ensuit. Et qu'on ne peut échapper à Allah sinon en se réfugiant auprès de lui. Et comment ? En lui obéissant, par la taqwa. Notre seule protection auprès d'Allah Azawajal, c'est la taqwa. Et taqwa, ça vient de l'wiqaya qui veut dire protection. Et il dit, Amantu bi kitabik, allazi anzalta, j'ai cru en ton livre. C'est-à-dire le Coran que tu as fait descendre. Et à la base, on croit en tous les livres. Qu'Allah se fait descendre. Cependant, celui qui nous incombe d'appliquer et de suivre, c'est le Coran qui est venu abroger tous les autres. Ouais, j'ai cru en ton prophète que tu as envoyé. C'est-à-dire, j'ai cru en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et également, on croit en tous les prophètes qui ont été envoyés, tous les messagers. Là, nous farriqu bayna ahadin min rusuli. Nous ne différencions entre aucun de ces messagers. Cependant, celui que l'on suit, nous, et que tous les hommes doivent suivre, et djinn, depuis son envoi, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le sceau des prophètes. Donc celui qui fait ce zikr avant de dormir, en étant sur ses ablutions et en se couchant sur son côté droit, il dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, si jamais tu meurs lors de cette nuit, dans ton sommeil, tu mourras sur la fitra, c'est-à-dire tu mourras sur une bonne condition. Et si jamais tu te réveilles, tu te réveilleras sur la récompense. Et il a recommandé de ne plus rien dire après avoir fait ce zikr. C'est-à-dire ne parle plus avec qui que ce soit. Ni la femme ne parle avec son époux, ni l'époux avec sa femme. C'est-à-dire tout ce que tu as à faire, fais-le avant. Parle à ton épouse, parle à tes enfants, parle aux gens, si jamais tu as des choses à faire. Et une fois que tu arrives pour dormir de façon définitive, alors c'est à ce moment-là que tu fais ce zikr et là tu t'endors. Maintenant, quelqu'un va me dire, si jamais je me réveille et qu'on me parle entre-temps, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je le recommence ce doha ou pas ? Je ne saurais répondre, mais je pense qu'il faudrait refaire le zikr parce qu'il a dit qu'il faut en faire en sorte que ce soient les dernières paroles prononcées. Pour avoir cette récompense-là. Si on veut cette récompense-là, il faut que les dernières paroles prononcées soient celles-ci. Donc si même tu as des afkar à faire également, fais-les avant. Et fais en sorte que ton dernier zikr soit celui-ci. Non. Aussi, il y a un hadith pour également qui donne le côté recommandé de faire les ablutions avant de dormir. Yaqul an-nabi sallallahu alayhi wa sallam man bata tahiran bata fi shi'arihi malakun la yastayqizu sa'atan min al-layl illa qala al-malak Allahumma ighfir li 'abdik fulan fa innahu bata tahiran. Et il a dit an-nabi sallallahu alayhi wa sallam que celui qui s'endort sur la purification, d'accord, c'est-à-dire avant de dormir, qu'il y aura auprès de lui justement un malak. Un malak, et il dira qu'il n'y a aucun moment dans la nuit où tu te réveilleras sans que le malak il invoque pour toi. À ce moment-là, de dire qu'Allah Azzawajal qui te pardonne, car il s'est endormi sur la purification. Donc, dormir sur le wuzu, tu as un ange qui invoque pour toi que Allah Azzawajal te pardonne du fait que tu sois endormi sur la purification. Yaqul fawaid al-hadith. استحباب الوضوء عند إرادة النوم لينام على الطهارة qu'il a recommandé de faire les ablutions pour celui qui veut dormir. ثانيا استحباب الاتجاع على الشق الأيمن لأنه أسرع إلى الانتباه. Dormir sur le côté droit car cela permet d'être plus attentif pour se réveiller. Par exemple ceux qui veulent se réveiller la nuit ou ceux qui ont peur de ne pas se réveiller pour le Fajr ou quoi, dormir sur la droite c'est une chose qui allège ton sommeil et te permet de te réveiller plus facilement. Ou même pour les mères qui ont des enfants en bas âge qui dorment et qui veulent se réveiller, être aux aguets du réveil de l'enfant s'il veut allaiter ou s'il pleure, dormir sur la droite, elle va se réveiller plus facilement. Thalithan istirbab hada dhikr qabla an-nawm wa ja'aluhu akhir kalam al-'abd. Qu'il est recommandé de faire ce dhikr avant de dormir et d'en faire la dernière parole à prononcer. رابعا الظاهر أن هذه الفضيلة لا تنال إلا بمجموع ما ذكر في من السنن. Et que ce qui apparaît de ce hadith, c'est qu'on en tire la récompense que lorsqu'on réunit tout ce qui est dit dans ce hadith. D'accord ? Dans l'ordre. C'est-à-dire, l'ozo, aller dormir, se mettre sur la droite et dire ce dhikr en dernier, en dernière parole. خامسا أن الألفاظ الأذكار توقيفية في تعيين اللفظ وتقدير الثواب كما في رواية الأخرى قال البراء ورسولك الذي أرسلته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبيك الذي أرسلته. Et que les termes des أذكار que l'on apprend du Nabi صلى الله عليه وسلم sont توقيفي, c'est-à-dire quoi, on doit les prendre comme ils sont venus sans les changer, car dans une version du hadith al-Bara au lieu de dire j'ai cru en ton prophète que tu envoyais, il a dit j'ai cru en ton messager. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a corrigé en disant non, en ton prophète. Alors qu'à la base, le Nabi c'est également un messager. Mais il a corrigé le terme, dit non, ton prophète, dit ton prophète. Ce qui prouve que les termes des afkars, on doit les faire comme ils sont venus. Ce n'est pas haram, mais c'est meilleur. Sadisan, an ahl al-iman yalja'una ila Allah ta'ala fi jami' ahwalihi. Et que les gens de la foi reviennent vers Allah dans toutes les situations. سابعا تجديد العهد مع الله كل ليلة وتوثيق الإسلام والإيمان قولا وفعلا. Et qu'à chaque fois on renouvelle notre engagement envers Allah Azzawajal dans chaque nuit par ce dhikr, d'accord, et que l'on confirme notre islam et notre foi par les paroles et par les actes. والآن سنكمل بهذا الحديث والحديث qui est le 100e hadith de ce kitab, et le 20e de ce fosl, qui est le dernier de ce fosl. Yaqul, c'est Adab al-Ru'ya. Donc maintenant, c'est après avoir fait les afkars et s'être endormi, qu'est-ce qui se passe dans le sommeil ? Les rêves. On est amené à rêver. Donc là, il va dire le comportement à avoir pour celui qui aurait fait un rêve. Yaqul an Abi Qatada, radiallahu anhu, qale kuntu ara ru'ya. تمردني حتى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول رؤيا الحسنة من الله فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان وليلتفت ثلاثا وليحدث بها أحدا فإنها لن تدره. متفق عليه. دونك إلى دين النبي صلى الله عليه وسلم celui d'entre vous qui voit un rêve, Na'afouen, Qatada qui rapporte le hadith, dit que il voyait des rêves. Quand il dit yumridouni, je ne sais pas ce qu'il veut dire par là, parce qu'à la base, amrada yumridou, ça veut dire être malade. Mais je ne sais pas si c'est ça qu'il voulait par là, je ne pense pas. Et dans le charh, l'auteur n'a pas dit, n'a pas expliqué ce terme-là. Donc je ne pourrais pas vous dire quel est le sens voulu. Quoi qu'il en soit, il dit qu'il faisait des rêves. Et je pense que sûrement que ce rêve devait l'intriguer. C'est ce qui m'apparaît. Juste à ce que j'entends le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, le beau rêve, le beau songe vient d'Allah. Et si l'un d'entre vous voit un beau rêve, c'est une chose qui lui plaît, alors qu'il n'en parle qu'aux gens qu'il aime. Et celui qui voit ce qui lui déplaît dans un rêve, alors qu'il cherche refuge auprès d'Allah, du mal de ce rêve. En fait, c'est un cauchemar, quoi, en fait. Et du mal de Shaitan, et qu'il crachote trois fois. C'est-à-dire, quand il se réveille, yasta'id bin ash-shaytan ar-rajim, il crachote trois fois. Et normalement, c'est à sa droite. Ou à sa gauche, j'ai oublié. Je crois que c'est à la gauche. J'ai un doute. Et qu'il n'en parle à personne. Les cauchemars, on n'en parle à personne. Car ce cauchemar ne le nuira en rien du tout. Oui, je confirme, c'est bien à la gauche. Là, je regarde bien dans le char, l'auteur le précise, c'est à la gauche, on crachote à la gauche. Sachez une chose, les songes que nous sommes amenés à faire sont de trois catégories. Il y a le rêve, et le rêve, c'est une partie de la prophétie. C'est-à-dire que à travers un rêve, un message nous parvient. Soit un avertissement, soit un encouragement, soit une bonne annonce, ou autre. Mais attention, on ne tire pas un hukm shari'i d'un rêve. C'est fini, la révélation, elle est terminée. D'accord ? À l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba, des fois, faisaient des rêves à travers lesquels un acte d'adoration pouvait être déterminé. Comme ce fut le cas de l'Azan, par exemple. L'Azan, il est venu d'un rêve de Abdullah ibn Zayd. Mais aujourd'hui, quand des gens y rêvent, ils ne peuvent plus dire « Oui, j'ai vu Allah en rêve, il m'a dit telle et telle chose. » Donc maintenant, je vais faire telle et telle chose. Nouvelle salat, un nouveau siyam. Non, ça n'existe pas, ça. D'accord, la révélation ne descendait que sur les prophètes. Cependant, un rêve peut être une chose qui est annonciateur pour toi, dans ton cas particulier à toi. D'accord. Pour un manquement que tu aurais, ou alors un bien que tu aurais fait, pour t'encourager à perdurer dessus. Et ainsi de suite. Quoi qu'il en soit, le bon rêve vient d'Allah Azawajal. Deuxième, c'est le cauchemar. Et le cauchemar, c'est de voir une chose qui nous effraie, qui nous dégoûte, qui nous répugne, et ainsi de suite. Et le cauchemar vient de Shaitan, c'est-à-dire des fois les pires choses que l'on puisse voir lors du sommeil, il ne faut pas les prendre en compte. Des fois on voit des choses, on a même honte de dire comment j'ai pu rêver de ça, comment j'ai pu faire ça. Et en fait, il ne faut pas prendre ça en compte. D'accord ? C'est pas à prendre en compte. Les choses qui seraient, même des fois, tu dis, t'as honte d'avoir, même des fois des choses qui sont muharrama, haram, tu le sais, mais dans ton cauchemar, tu l'as faite. Ou autre, des choses qui ne te traversent même pas l'esprit de faire alors que tu es réveillé, ne les prends pas en compte. Ça va le shaitan. Et pour éviter d'avoir ce genre de rêve, ou plutôt de cauchemar, justement, les ablutions et les askars à faire avant de dormir. C'est pour éviter. Donc le cauchemar, lorsqu'on le voit en rêve, enfin en rêve, en songe, on se réveille, on crachote trois fois sur la gauche. Et le troisième, c'est Hadith al-Nafs. C'est lorsque tu fais un rêve, on va dire, qui est lié à une chose qui t'a tellement tenu à cœur, tu as pensé tellement fort que tu la vois en rêve. Il t'arrive une chose dans la journée, tu la revois en rêve. Ou une chose que tu attends pour le lendemain, tu la vois en rêve. D'accord ? Donc ça à prendre en compte. Et dans le sens où ne pas en tirer quelques conclusions. c'est hadith nafs. Tellement tu y as pensé que en songe, cela t'est revenu. Donc on répète, il y a le rêve, le bon rêve, qui vient d'Allah Azzawajal. Et celui-ci, on peut demander interprétation auprès des gens expérimentés. Le deuxième, c'est le cauchemar. Et le cauchemar, il vient de Shaitan. On ne le prend pas en compte. Et ne tirer aucune conclusion. Et ne pas se faire. Ne pas se morfondre pour ce qu'on a vu et croire, penser du mal de soi-même. À cause du fait qu'on a vu telle et telle chose en cauchemar, qu'on ait fait telle ou telle chose, tel crime ou telle turpitude ou ce qui s'ensuit. Non. Ça vient de Shaitan, on ne prend pas ça en compte. Et le troisième, c'est Hadith et Nafs. Les choses que tu te tiennes tellement à cœur qu'elles reviennent à travers tes rêves. Et celle-ci également, on n'en tire pas compte. Mais par contre, quand on voit un rêve, qu'est-ce qu'on fait? Une chose qu'on a vue et qui nous plaît, on n'en parle qu'aux gens que l'on aime. Car des fois, un rêve également peut faire des jaloux. Donc tu as vu un rêve, un frère, par exemple, ou une femme, elle a vu une sœur, et ainsi de suite. Une chose bien, tu lui annonces, tu lui dis. Je t'ai vu en rêve, Yahri. T'as fait telle et telle chose, t'étais avec moi, on a fait telle et telle chose. Et voilà, ça t'a mis bien. Tu fais la bonne annonce. Et pareil, une sœur, elle dit, j'ai Foulana, je t'ai vu en rêve, on faisait telle et telle chose, ou j'ai vu ton enfant en rêve, il faisait telle et telle chose. C'est une bonne nouvelle, c'est une bonne chose, tu lui dis. Tu lui annonces. Tu fais rentrer la joie en lui. D'accord? Car faire rentrer la joie dans le cœur de son frère, c'est une bonne action. Que Allah Azzawajal, il aime. Et concernant l'interprétation des rêves, il y a des gens à qui Allah Azzawajal a donné cette faculté. Entre autres, vous savez, il y avait Youssouf alayhi salam qui était doué pour cela. Et également, il y a des choses qui peuvent s'apprendre, mais en réalité, c'est un don d'Allah Azzawajal. Ce n'est pas tout le monde qui est capable de pouvoir vraiment interpréter les rêves. Et même malgré tout, ce n'est pas une science qui soit décisive. Quelqu'un ne peut pas être catégorique dans ce qu'il te dit par rapport à un rêve qu'il interprète. Et puis les gens sont de différentes situations. D'une personne à une autre, cela peut changer. Un même rêve peut être interprété différemment d'une personne à une autre. Ça dépend de la situation de la personne dans sa religion. Il était rapporté chez certains salafs que deux hommes avaient fait un rêve similaire, qui voyaient un muazzin, quelqu'un qui faisait la zan. Il y en a, il a dit, toi tu vas te faire couper la main, et l'autre, toi tu vas faire le hajj. Car dans le Coran, Allah il dit, Azanu minallahi wa rasulihi ila nas yawm al-hajj al-akbar. Dans le Coran, dans Surat al-Tawbah, il dit Azanu minallahi wa rasulihi. C'est un appel d'Allah, ils ont son messager pour le Hajj. Et dans Surat Yusuf, Fa'azana muazinun ayyatu al-ir innakum lasadiqun. Qu'un homme a appelé pour dire oh vous, la caravane, vous êtes des voleurs. Donc l'Azan est venu dans le Coran dans deux sens différents. Il y en a un, c'était pour lancer des voleurs, il a dit l'interprète du rêve à un homme, toi, tu vas te faire couper la main. Parce que cet homme-là avait volé. Et l'autre, il dit, toi, tu vas faire le hajj. Alors qu'ils avaient fait le même rêve. Mais comme les deux n'étaient pas les mêmes personnes, cet interpréteur a décelé la droiture chez un et la désobéissance chez l'autre. Et il a fait cette interprétation. Donc, ça varie d'une personne à une autre. D'accord? C'est pour cela que les gens qui font des rêves, le mieux, quand ils veulent une interprétation, qu'ils soient présents devant l'interpréteur. Car lui, en te regardant, il peut déduire des choses, selon ce qu'il voit de toi. Mais de loin, comme ça, c'est difficile. Et je le répète, des fois, des gens m'envoient des mails avec des rêves. Je n'interprète pas les rêves. Et je n'ai pas de contact, je ne suis pas l'intermédiaire pour envoyer les rêves à des gens qui vont l'interpréter. Désolé. D'accord? Je ne m'en charge pas de cela, donc que les gens ne m'envoient pas leurs rêves et ne me demandent pas de faire interpréter leurs rêves. Je ne peux pas le faire. Et je m'en excuse. Yaqul Nokmil Fawaid al-Hadith. أن رؤيا صالحة الصادقة من الله وهي بشرى للمؤمن que le rêve vertueux et véridique c'est une bonne nouvelle d'Allah Azzawajal pour le croyant. ثانيا أن علامة رؤيا صالحة أن يرى العبد رؤيا يحبها وإذا رأى ما يكرهه فإنما هي من الشيطان للحديث. Et que parmi les signes du bon rêve c'est que la personne voit une chose qu'il aime. D'accord? Et celui qui voit une chose qui lui déplaît, alors cela vient de Shaitan. Comme le prouve le hadith. ثالثا أن من حدث برؤيا الحسنة من لا يحب قد يفسرها الذي له بما لا يحب إما بعضا وإما حسدا وقد تقع أن تلك الصفة أو يتعجل لنفسه من ذلك حزنا ونكدا. Donc celui qui voit justement un bon rêve qu'il ne dise pas à quelqu'un qui ne l'aime pas. Car celui qui ne l'aime pas pourrait lui interpréter ce rêve d'une façon qui lui déplaise, par jalousie ou par animosité envers lui. Et cela peut attrister la personne et l'inquiéter. رابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد من رأى رؤيا يقرأها بخمسة أشياء. Celui qui voit un rêve qui lui déplaît, alors il doit faire cinq choses. La première, crachoter à sa gauche trois fois. Deuxièmement, chercher refuge auprès d'Allah Azzawajal du mal de ce cauchemar. Troisièmement, qu'il n'en informe personne de ce cauchemar. Quatrièmement, qu'il change de côté lorsqu'il dort. D'accord, ça c'est dans un autre hadith, c'est venu. Tu changes de côté. Si c'est sur la droite, plutôt sur la gauche. Si tu es sur la gauche, plutôt sur la droite. Wakada. Et cinquièmement, qu'il se lève et qu'il fasse salat s'il le peut. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Faizara ahadukum ma yakrahu falyakum wa lisalli. Celui d'entre vous qui voit une chose qui le déplaît, qui se lève et qui fasse un salat. Donc, qu'il fasse qu'il aime le layl, par exemple. Ça va lui faire du bien. Ne serait-ce qu'une rakat. Qu'une rakat, car le witr, c'est une rakat minimum, dans laquelle il dit Qul huwallahu ahad. Cela suffit pour être un witr et même à qu'il aime le layl. Et celui qui a plus de foi, plus de force, qu'il lise ce qu'il peut. D'accord. Et qui ne dépasse pas 11 ou 13 rakat. Il peut faire moins, mais maximum, c'est 11 ou 13 rakat, car le Nabi Sallam n'a jamais fait plus que cela. Et pour finir, un ra'i mata fa'ala hadhi al-adab lam tadurruhu. Ar-ru'ya al-makruha bi'iznillahi ta'ala. Bal hadha yadfa'u sharraha. Celui qui voit un cauchemar et qui agit comme cela est stipulé dans le hadith, alors cela ne lui nuira en rien. Même cela serait une cause pour le protéger du mal de ce cauchemar. Non. Et donc de là, on a fini ce fasr qui était celui de l'adab al-islamiyya. Et on va rentrer, inshallah, la prochaine fois dans le sixième bab qui est Adab et Ta'amul Bain al-Mu'minin, qui est les comportements relationnels entre les croyants. Non. Fanaktafi bien d'accord, nakul subhanaka wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.